style d'écriture. Tout est une question d'attitude. Il suffit de vouloir être pur pour que le sérieux devienne une habitude. Alors on oublie d'écrire les paroles de chambon pour le cœur et l'esprit. Alors on s'ennuie, on ne sait plus quelle est la bonne école pour devenir comme une parabole qui sait capter les ondes de la vie. Tout a l'air d'être froid et dur, tout se pleure, la tête adossée au mur. Plus facile d'avoir l'air morose et de ne penser qu'aux épines des roses. Alors on s'enfonce dans l'obscurité de cette force qui ne sait que nous blesser. Alors on s'ennuie, sais plus quelle est la bonne école pour devenir comme une parabole qui sait capter les ondes de la vie. Tout s'écoule et se modernise, toutes les vieilleries finissent à la remise. On s'équipe pour que la vie nous